Selon les médias sud-coréens, y compris Hangyore et CBS, il est révélé que Park Geun-hye a laissé entrer régulièrement les dossiers secrets de la Maison Bleue dans les mains de Choi Soon-sil, qui n'a aucune fonction publique. Presque tous les jours, Choi Soon-sil a reçu et examiné la première des dossiers épais de 30 cm adressés à Park Geun-hye par des chefs de la Maison Bleue. À l'aide de ces dossiers, elle a organisé des réunions avec des personnages qui ont des influences en coulisses pour discuter de l'ensemble des affaires d'État, comme le programme des journées de Park Geun-hye et la politique. Cette réunion a décidé aussi le remaniement du personnel, y compris la nomination de ministres. La radio CBS a exprimé la stupéfaction en disant comme ce qui suit. Ce n'est pas que Park Geun-hye a reçu l'aide de Choi Soon-sil, mais c'est une intervention non officielle de Choi Soon-sil dans les affaires d'État.